Bienvenue dans ce Radio Week-end de Pâques. Bonne fête de Pâques si vous avez la chance de pouvoir y participer. Si vous travaillez, bon courage et nous sommes là de toute façon. Alors, qu'allons-nous trouver pendant cette heure de Radio Week-end ? Eh bien, beaucoup de choses. Mylène Farmer et Ringo Starr, nous verrons pourquoi. Les anniversaires, Eric Clapton, Jimmy Cliff, Serge Gainsbourg, Grégoire et bien d'autres. Les nouveautés, c'est-à-dire les musiques 2018 avec notamment Julien Clerc, Bernard Lavillier. Une belle séquence autour du Grand Prix de l'Eurovision, nous verrons là aussi pourquoi. Et pour terminer, aujourd'hui, ce sera du jazz. Radio Week-end, Radio Week-end. Les incontournables, c'est toujours et traditionnellement la première séquence de ce Radio Week-end. Alors elle est partout, il y a un nouvel album, nous avons entendu déjà ici, et puis elle est aussi au cinéma avec un film qui s'appelle Ghostland, elle c'est Mylène Farmer. Mylène Farmer au cinéma et dans la musique. Sir Richard Starkley. Savez-vous qui est Sir Richard Starkley ? Eh bien, c'est Ringo Starr, l'un des quatre Beatles. Pourquoi parlons-nous de lui aujourd'hui ? Parce qu'il a été ennobli comme les autres. Les autres aussi, Sir Paul McCartney, c'est déjà fait depuis longtemps. Ringo Starr, donc Sir Richard Starkley, Ringo Starr lui-même. Girls, who are the girls? Eyes that sparkle and shine. You're Ringo Starr qui vient d'être anobli pour service rendu à la musique et à sa patrie également. Les anniversaires. Radio Weekend. Radio Weekend. Les anniversaires. Alors rappelons que ce sont les anniversaires de la période, hein, ça n'est pas l'anniversaire du jour. Un 29 mars par exemple est né Evangelos Odysseas Papathanassiou, plus connu sous le nom d'artiste de Vangelis. C'est l'un des trois Aphrodite Child. Il est né le 29 mars 1943. C'est un très grand musicien, on lui doit des musiques de films notamment. Et il a composé la musique du film Christophe Colomb, qui avait été réalisé par Ridley Scott. La musique de Christophe Colomb, composition de Vangelis. Oh. Vangelis pour son anniversaire. Le 30 mars, c'était l'anniversaire de Céline Dion. Alors, nous n'allons pas l'entendre maintenant, nous l'entendrons tout à l'heure pour une autre raison. Eric Clapton, 30 mars 1945, bon anniversaire à lui. Monsieur Clapton, est-il besoin de le rappeler ? Immense, immense guitariste et chanteur. I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. So I shot him down. Eric Clapton pour son anniversaire. 1er avril 1948, c'était la date de naissance de Jimmy Cliff. Toute la Jamaïque en un seul homme, Jimmy Cliff. Reggae night, we come together. and east and west. So you better look your best, man. Now lightning strikes at 8, so you better not be late for this rubber ducking, rocking, jamming. Anniversaire de Jimmy Cliff qui nous a hélas quitté 1er avril 1948 et puis Serge Gainsbourg le 2 avril 1928. Il nous a quitté en 91, il avait 62 ans, monsieur Gainsbourg. Je sens le boom des bandes agiter mon cœur, laisser l'amour comme un boomerang. Me revient des jours passés à pleurer les larmes dingues d'un coq que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté. De ma mémoire qu'à la wingue, ton amour m'ont épuisé. Pas monté. Je sens des boules et des bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. Passionné comme un dingue, comme nos deux fous alignés. Sache que ce quelques angles pourrait un jour s'arrêter. Si comme un boomerang tu ne reviens pas me chercher, peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens le boom et le bang agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. Optimé comme une dingue, peut-être pour toi. Partie du gang, de mes séducteurs passés. Prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures cinglées que tu m'as fait endurer. Je sens des boom et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire de bête à pleurer. Ma raison vacille tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, des flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais. Je sens le boom et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. La peur et les larmes dingues d'accord que je m'avais donné. Serge Gainsbourg, dont nous célébrons l'anniversaire de naissance. Le 3 avril, ce sera l'anniversaire de Grégoire, 3 avril 1969. Il est aujourd'hui un peu plus discret, Grégoire, mais il est toujours là. Moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus eux, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez. Mais c'est faire l'insouciance à deux, à mille. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. On peut partir bien plus loin que la grève. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus celle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez. C'est le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, vous prenez avec moi. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus seul, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, et c'est faire l'insouciance. Je sais, c'est vrai, ma chanson est Grégoire. Et puis un 3 avril était né également Dario Moreno. Vous ne vous souvenez pas de Dario Moreno ? Si, si, bien sûr. Il est mort en 68 alors qu'il devait jouer avec Jacques Brel sur scène, hein, avec Brel, l'homme de la Mancha. Il est décédé quelques jours avant. Dario Moreno. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Au foie toutes les secondes, chaque homme a le cœur qui bat. Oh bébé, bébé, bébé, je connais beaucoup de femmes qui voudraient bien te ressembler, mais aucune n'a comme toi ce petit je ne sais quoi qui fait que c'est toi, bébé, qui sera toujours aimé. Il aurait fallu t'inventer si tu n'avais pas existé. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bejo, Bejo. Là dentro do cinéma, todo mundo se apovo. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bejo, Bejo. Là dentro do cinéma, todo mundo se apovo. Por que é que todo mundo olha tanto pra você? Será pelo pé? Não é. Será o nariz? Não é. Será o tornozelo? Não é. Será o cotovelo? Não é. Você que boa e que mulher, me diga então por que que é? Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi. Brigitte Bardot, Bardot, ay, Brigitte Bardot, bravo. Pour toi toutes les secondes, chaque moment le cœur qui bat. Oh bébé, bébé, bébé, je connais beaucoup de femmes qui voudraient bien te ressembler, mais aucune n'a comme toi ce petit je ne sais quoi qui fait que c'est toi, bébé, qui sera toujours aimé. Il aurait fallu t'inventer si tu n'avais pas existé. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, Bardot. C'est la fin de cette séquence anniversaire. Radio Weekend, Radio Weekend. Les musiques 2018, et oui, il n'y a pas que la nostalgie dans la vie. Un nouveau clip pour Julien Clerc. Alors, on voit une dame avec Julien Clerc, c'est Valeria Bruni-Todeschi. C'est la demi-sœur de Carla Bruni, elle est dans ce clip, ce nouveau clip, très beau clip d'ailleurs, pour Julien Clerc. À toi que j'aime, pardonnez-moi, ma belle amie. Je ne sais pas t'écrire de poème. À vous que j'aime à la folie. Je ne tutoie que tes dentelles. À vous je donne mon parapluie. Je suis à toi comme l'hirondelle vous revient toujours dans son nid. Jusqu'à la fin du monde, à toi depuis le premier jour, à vous jusqu'au bout de la ronde, à toi mon dernier mot d'amour, à vous jusqu'à la fin du monde, à toi depuis le premier jour, à vous jusqu'au bout de la ronde, à toi mon. À toi que j'aime, mes chansons ne parlent qu'à toi. Qui savait me dire je vous aime en chantant de la même voix. À vous jusqu'à la fin du monde, à toi depuis le premier jour, à vous jusqu'au bout de la ronde, à toi mon cœur. Depuis le premier jour, à vous jusqu'au bout de la ronde, à toi mon dernier mot d'amour. Je ne tutoie que l'élégance de vos écharpes en fil de laine. Je ne vois que vous quand tu danses, comme Ulysse retrouvant Hélène. À vous jusqu'à la fin du monde, à toi depuis le premier jour, à vous jusqu'au bout de la ronde, à toi mon dernier mot d'amour, à vous jusqu'à la fin du monde, à toi depuis le premier jour, à vous jusqu'au bout de la ronde, à toi mon. Jusqu'à la fin du monde, à toi depuis le premier jour, à vous jusqu'au bout de la ronde, à toi mon dernier mot d'amour. Mmh.

loin de toi, par les chemins où tu n'es pas, je vais vers l'avant. Mes amours de 20 ans. Lys Assia, refrain, qui a remporté l'Eurovision pour la Suisse en 1956. Céline Dion a représenté également la Suisse, mais oui, elle a gagné en 1988, Céline Dion. Que la terre, vous donnez-moi ma chance. Vous allez peut-être trouver de nouvelles musiques. Vous donnez-moi ma chance. Je Céline Dion, 1988, gagnante de l'Eurovision. Et en 1974, qui a gagné en 1974 ? Le groupe ABBA. C'était le début de l'immense carrière du groupe ABBA. Alors, c'était Waterloo, la chanson gagnante. Voici Waterloo. Pourquoi Waterloo ? Eh bien, parce que là, c'est en français, mais c'est quand même ABBA. La belle comédie. Abba, en français, s'il vous plaît, 1974, le Grand Prix Eurovision, c'est dans quelques semaines. Nous n'allons pas terminer aujourd'hui par un classique, nous allons terminer par du jazz, mais un grand jazz, un classique du jazz. Take 5, Dave Brubeck. On remercie FM et ses amis pour la réalisation. Bon week-end, joyeuses fêtes de Pâques, si vous avez la chance d'en profiter. Bon courage également à celles et ceux qui travaillent, il y en a. Radio Weekend.